t'inquiète pas, on sera toujours là, toujours dans la place. Hey baby, learn about it. Sous ton manteau, mec. Sous ton manteau, mec. Frère Da. Aïe.